une nouvelle conscience. Pour avoir une nouvelle conscience, donc une conscience ultimement mentale, il faut perdre de la mémoire morte. Parce que la mémoire morte sert à prédisposer l'homme émotivement à des constats au niveau du phénomène qui conviennent à sa nature animale. Donc, aiguise ses mécanismes de défense, aiguise ses mécanismes de réflexion, aiguise ses mécanismes de territorialité, et ainsi de suite. Tandis que dans la mémoire vive, tous ces mécanismes-là sont éclipsés au profit d'une présence. La présence étant l'aboutissement de la fusion, contact télépathique avec les circuits universels, très grand développement de la sensibilité électrique de son feu, donc très grand développement de son système nerveux, puis finalement aboutissement de la conscience de ses cellules. Mais si l'homme prend pas conscience de sa source, il ne pourra pas en arriver à développer une mémoire vive, puis il va rester dans sa mémoire morte. Une mémoire vive, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet éventuellement à l'ego de ne plus réfléchir, donc de sortir complètement de la connaissance. Pour rentrer dans le savoir. Un jour, il faudra réellement définir la différence entre ce qu'on appelle la connaissance et le savoir. Pour le moment, on peut dire que la connaissance, c'est la fonction de la mémoire morte, alors que le savoir, c'est la fonction de la mémoire vive. Une fois que l'homme va vivre simplement de mémoire vive, à ce moment-là, ben, il sera plus intéressé à la connaissance. Si on l'approche au niveau de la connaissance, il va prendre une position purement technique par rapport à elle, dans le sens que il va l'accepter, ou il va la fracturer, ou il va la remodeler, ainsi de suite. Puis, parce qu'il y aura une très grande conscience critique. C'est comme si on regarde le monde de la chimie ou sur le monde de la physique, si on regarde le monde moléculaire ou le monde matériel, au niveau de la mémoire vive, mais c'est évident qu'on ne peut pas décréter sur ces plans-là de la même façon qu'on le fait avec les mémoires mortes. Par exemple, l'atome pour un être conscient ou l'atome pour une mémoire vive, ça n'a pas la même configuration au niveau éthérique que ça l'a au niveau électromagnétique pour un scientiste qui regarde avec son instrumentation. Par contre, pour le moment, la mémoire vive ne peut pas être utilisée au niveau de la science parce que la matière n'est pas capable de recevoir les impressions. Donc, à ce moment-là, un homme qui utilise sa mémoire vive au niveau du savoir, autrement dit au niveau des études, des différentes études, surtout matérielles, il est obligé de faire ces études-là sur un plan éthérique et conserver son expérience dans le sens de vivre instantanément sa mémoire vive quand il y a de besoin, mais ne jamais essayer de la rapatrier dans le confin de sa mémoire morte. C'est pour ça que c'est très fatigant pour un être qui a accès à une mémoire vive de traiter de science avec une mémoire morte. Parce qu'il est obligé parce qu'il ne peut pas l'utiliser tout de suite. Il y a un temps, il viendra un temps dans l'évolution scientifique de l'humanité où l'homme pourra utiliser la mémoire vive, mais là, ça, à ce moment-là, ça renversera la science, la mémoire morte sur la Terre, puis ça créera une nouvelle science, ainsi de suite. L'ego dans son évolution, donc l'homme, au fur et à mesure où il va transmuter ses corps, transmuter son corps astral, transmuter son corps mental, va en arriver éventuellement à aboutir à une conscience nerveuse qui fait partie de la conscience éthérique. La conscience éthérique, c'est une conscience très, très nerveuse, dans le sens qu'elle est névralgique, elle est très sensible, très vibratoire. C'est là la conscience vibratoire. Et l'homme, à ce moment-là, va rentrer dans ce que j'appelle la conscience vie, la mémoire vive. Et une fois qu'il va rentrer dans la mémoire vive, il ne pourra plus en sortir. On n'entre pas dans les mémoires vives pour en sortir. On reste dans la mémoire morte. Et dès qu'on rentre dans la mémoire vive, on est obligé d'altérer le coefficient psychique de notre conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut plus traiter avec la connaissance comme avant. On est obligé de particulariser notre relation avec l'invisible. C'est-à-dire qu'on est obligé de on est obligé de, d'être en relation mentale intelligente avec les architectures du mental. Donc, on est obligé à ce moment-là de déformer ce qui a été formé, de briser la forme parce que la connaissance ne fait plus partie de notre appropriation en tant qu'être. Donc, techniquement, on n'appartient plus psychologiquement ou psychiquement à l'humanité contemporaine. On appartient à une autre humanité, dans un autre temps. Et à ce moment-là, ben, on est obligé de restreindre les conséquences de notre savoir. On est obligé de restreindre les conséquences de notre mémoire vive. On est obligé de et ça, ça se fait naturellement. On sait ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. On sait ce qu'on peut avancer, ce qu'on peut pas avancer. Parce que la mémoire vive, elle est directement connectée à la mémoire des cellules. Et à ce moment-là, on sait ce qui est bon de dire, puis on sait ce qui est pas bon de dire. Tandis que dans la mémoire morte, tout est bon. Parce que la mémoire morte a pour fonction de donner où elle pas nécessairement, c'est pas tellement qu'elle a pour fonction de, mais conséquemment, elle donne à l'ego du prestige. Tandis que la mémoire vive enlève à l'ego tout prestige. C'est vrai. Ça se comprend-tu? Parce que c'est pré-personnel. Parce que c'est totalement pré-personnel. C'est ça, ouais. Fait comme ça enlève à l'ego tout prestige, l'ego ne lui est pas intéressé à savoir. Des fois, on va demander à l'ego des choses. On va demander à une personne qui a une mémoire vive des on va poser des questions concernant le pourquoi. Puis, la mémoire vive va s'actualiser. On va le faire pendant un certain temps, pendant 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Après ça, l'esprit se fatigue. C'est pourquoi ça. L'esprit se fatigue? L'esprit se fatigue parce que la mémoire vive ne peut pas être traduite dans une expérience phénoménale. Si l'ego n'est pas capable d'avoir une mesure instantanée de ce que c'est, il est mieux laisser ça de côté. Parce que l'ego inconscient, involutif, peut facilement bénéficier, s'amuser avec ce qu'il pense qu'il sait. Ouais, ce qui est la, faire de la recherche. Ce qui fait partie de la dynamique de l'intellect. L'intellect, okay? C'est ça. Bon. Tandis que dans la mémoire vive, ça ne peut pas servir tout de suite. Pour des raisons de temps, pour des raisons de chronologie universelle, pour des raisons de conscience, de fusion consommiste. À ce moment-là, ben, l'ego n'est pas intéressé. Parce que la mémoire vive, c'est trop... C'est pas que c'est trop grand ou c'est trop intelligent, mais c'est trop de la science-fiction. Je vous donne un exemple de mémoire vive. Même pour vous donner un exemple. Les dauphins. Les dauphins sur la Terre font partie d'une race d'humains abortés. On découvrira un jour que les dauphins, s'ils n'avaient pas été abortés dans leur évolution, ils seraient devenus des humains, pas comme nous autres, mais des humains, autrement dit, une race intelligente qui se serait promenée dans l'eau. Donc, la race des dauphins a été abortée. Bon, quand tu commences à entrer dans la mémoire vive de l'évolution des dauphins, à ce moment-là, là, tu rentres, là, c'est comme rentrer d'un tunnel tellement étroit où la réalité cosmique, évolutive, biogénétique, c'est tellement lourd. Comment vous dites ça? Il y a un terme far out? Far out? Ouais, hors de l'ordinaire, que c'est comme si l'esprit dans un corps matériel se fatigue. Donc, si tu veux étudier l'évolution des dauphins, le genèse, le protogénèse, puis leur relation planétaire avec d'autres intelligences avant l'incarnation, la descente dans un corps matériel totalement de l'ordre des poissons ou des mammifères qui sont dans l'eau, à ce moment-là, tu rentres dans l'étude de monde. Faut que tu ailles sur les plans, voir ça. Fait que tu vas sur le plan éthérique, un soir, tu vas sur le plan éthérique. Là, tu peux étudier ça pour regarder ça. Là, il n'y a plus de stress au niveau de tes émotions. Il n'y a plus de stress au niveau de ton corps astral. Puis, tu ne vis plus ce que tu vois en tant qu'homme. Tu le vois simplement en tant qu'immortel sur un autre plan. Fait qu'à ce moment-là, ça ne te fatigue pas de rentrer dans la mémoire vive. Je vous donne un autre exemple de la mémoire vive. Si on regarde les cerveaux électroniques aujourd'hui, là, ça fait pas longtemps, là, ça fait 10, 15, 20 ans là, réellement que ça bouge. Là. Imaginez-vous ce que ça va faire dans 200 ans. Hein? C'est extrapolé un petit peu. Là, regarde la science depuis 100 ans, ce qu'on fait aujourd'hui. Imagine-toi les cerveaux électroniques dans 200 ans. Imagine-toi dans 500 ans. Comment tu veux dire? Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il va venir un point où l'homme sera plus capable de dealer avec des cerveaux électroniques de façon mécanique. Il va falloir que ça soit de l'intelligence artificielle, tu y parles, puis tu réponds, ça va être quasiment humanisé. Bon. Alors, À ce moment-là, la mémoire vive de cette science mécanique-là, elle va être très vaste. C'est un petit peu la même chose pour l'être humain, quand il y a une mémoire vive. Le savoir, le potentiel, surtout le potentiel d'extrapolation. Sur le plan matériel, on extrapole afin de trouver des courbes assez proches de l'infinité pour nous donner de l'espace afin de remplir énormément de paramètres de possibilités. Mais quand tu rentres dans le mental des architectures, tu peux extrapoler comme tu veux. Mais quand tu extrapoles comme tu veux, puis tu le fais à travers la parole, si tu parles, t'es obligé ensuite de ramasser le choc vibratoire de la mémoire vive. Ça veut dire qu'en tant qu'ego, un homme là qui extrapolerait trop, là, qui vivrait trop de sa mémoire vive, là, alors qu'il serait dans un corps matériel, éventuellement, il voudrait automatiquement mourir. Pas aller dans l'astral, mais mourir et aller sur le plan éthérique parce que la vie sur le plan matériel, elle serait trop plate. Oui, je comprends. Voilà. Fait que t'étudies n'importe quoi, les abeilles, c'est quoi une abeille, tu sais? Ça vient d'où les abeilles? C'est quoi la conscience des abeilles? C'est quoi les fourmis, c'est quoi? Ça vient d'où l'architecture du mental? Tous les mondes qui sous-tendent cette organisation-là. Puis ça, si tu vas dans le petit, c'est comme l'affaire des virus, c'est ça? Fait que tu peux aller dans l'autre direction, les planètes, tu sais. Fait qu'il vient un point que tu peux pas vivre trop dans la mémoire vive. Puis, sans ça, ben, tu veux crever, tu veux changer de plan. Mm-hmm. Là, si tu t'en vas sur le plan éthérique, ben, à ce moment-là, là, tu peux vivre dans la mémoire vive parce que le plan éthérique, c'est la mémoire vive. D'ailleurs, la collusion entre les circuits universels et l'homme dans l'évolution future de l'humanité, où l'homme va vivre la fusion, ça veut dire un contact direct avec les circuits universels, l'homme aura une mémoire vive, l'homme vivra d'une mémoire vive, puis l'homme sera un grand scientifique. Mais à ce moment-là, les portes auront été ouvertes à l'homme. Fait qu'une fois que les portes de ces plans-là seront ouvertes à l'homme, l'homme aura accès à d'autres temps. Quand tu as accès à d'autres temps au niveau de ta conscience, puis tu reviens dans ton corps matériel, mais que tu peux ressortir à volonté de ton corps matériel, il n'y a plus de problème. Mais quand tu es obligé de rester dans ton corps matériel pour des raisons de temps, puis que tu peux pas te véhiculer du plan matériel au plan éthérique à volonté pour des raisons de temps et de descente de certaines informations, à ce moment-là, c'est plus plaisant d'avoir une mémoire vive. Mm-hmm. Puis mon expérience m'a démontré que quand les gens me demandent des questions où je vais dans la mémoire vive, mais je suis obligé de faire quasiment du crayon. Parce que je veux pas supporter ça dans mon mental. Fait que je fais du crayon. Mais supporter ça dans mon mental, je suis pas intéressé. Probablement, si j'avais un écran mental comme le monde a, je serais capable de voir dans mon écran mental, qui est un écran personnel, puis très utile, ce que je sais. Probablement, je pourrais m'amuser à aller dans la mémoire vive. Ça fait pas partie de mon expérience, j'ai aucune imagination. Quand je ferme mes yeux, je vois plus rien. Fait qu'à ce moment-là, pour moi, c'est une protection. Tandis que des gens, comme ma femme, par exemple, qui a un écran mental très développé, ben, si je vais dans la mémoire vive, elle avoue ce que je sais. Seulement qu'elle, elle supporte pas ce que je sais. Fait qu'elle est intéressée à voir ce que je sais parce que pour elle, c'est comme aller au cinéma. Seulement, moi, je suis tanné de vivre dans la radiation. Comprends-tu? Mm-hmm. Fait que je suis obligé de dire à ma femme, bon, OK, 2 minutes, on va en parler pendant 2 minutes de ça. Mm-hmm. Vous, c'est comme si vous étiez le computer, puis elle l'écran. Mais... C'est ça. Fait que s'il n'est pas branché à le computer, il ne se passe rien sur son écran. C'est ça. Fait que, de temps en temps, on va explorer la mémoire vive comme ça. Tu peux aller n'importe où dans le temps, dans le futur, dans le passé, ou n'importe quoi. Mais au niveau de l'âme, là, en tout cas moi, là, je suis pas intéressé parce que j'haïs la connaissance. Mm-hmm. J'aime pas la connaissance. Vous avez dit comment est-ce que tu peux haïr la connaissance? La raison que j'haïs la connaissance ou que j'aime pas la connaissance, c'est pas parce que la connaissance, c'est pas bon. C'est parce que la connaissance, au niveau de la mémoire vive, ça n'a pas d'utilité pour le moment. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, je préfère la connaissance de l'évolution à la connaissance de la mémoire vive. J'ai plus de plaisir de prendre un livre qui est écrit par quelqu'un qui est à l'université, ou un psychologue, ou un historien, ou je sais pas. J'ai plus de plaisir à lire ce que des gens dans le monde de l'évolution, de Saint-Gabriel Racine, écrivent, que d'aller dans ma mémoire vive. Ouais, je comprends. Parce qu'au moins, ça, c'est en relation avec ce qui se passe dans le monde. Fait que si je lis un livre sur l'architecture, si je lis un livre sur la médecine, si je lis un livre... Après ça, je peux aller un petit peu dans ma mémoire vive, puis faire une critique de la science pour mon plaisir personnel. Ce qui va se passer dans ce domaine-là dans 200 ans, 300 ans, 40 ans, whatever. Mais au moins, ça reste dans ma tête. J'ai pas à le traduire dans le monde. Mais pour avoir du plaisir, là, comme quand je suis sur la plage, je prends un bon livre, je sais pas moi, un livre de science-fiction, pas science-fiction, un livre d'espionnage. Tu sais, des livres banals, profanes. Mm-hmm. Bon, j'ai plus de plaisir à lire ça que d'aller dans ma mémoire vive. Mm-hmm. Ce qui démontre que la mémoire vive pour l'homme aujourd'hui, c'est un gros fardeau. Mm-hmm. Et que l'homme, pour le moment, tant qu'il est dans un corps matériel, qui ne passe pas à conscience éthérique, à volonté, puis qu'il n'est pas rentré encore dans le temps où il peut venir en contact avec d'autres intelligences, d'autres civilisations sur ces plans-là, l'homme il a plus d'avantages à étudier la connaissance de la mémoire morte, tout en respectant son individualité. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans le monde qui sont intéressantes. Puis là, tu peux revenir un petit peu à ta mémoire vive. Là. Mais vivre dans ta mémoire vive, c'est très lourd pour un être conscient. Maintenant, est-ce que la personnalité serait le support de la mémoire morte? Oui. Et l'identité, le support de la mémoire vive? Très juste. Est-ce que le fait de vivre avec la mémoire vive, ça crée une tension parce qu'on est obligé d'avoir de l'identité? Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Ce qui rend difficile de vivre avec une mémoire vive, c'est que tu es obligé de maintenir l'identité de ce que tu sais. L'identité de ce que tu sais, c'est la capacité que tu as de reconnaître que ce que tu sais, ça ne bouge pas et c'est intransigeable. Autrement dit, ce n'est pas de la connaissance discrétionnaire. C'est absolu, c'est de même. À toi de le supporter. Fait que moi, si je vais dans ma mémoire vive, supposons qu'elle, la dame qui est là, ferait des études sur les dauphins à Miami. Puis qu'on se rencontre. OK? Mm-hmm. Bon, elle me parle de ce qu'elle fait, elle parle des études, elle me parle de l'étude des langues qu'ils sont en train de faire, et ainsi de suite. Là, j'arrive avec ma mémoire vive, puis je commence à y rentrer. Probablement, si je fais une bonne gestion de mon énergie, je serai capable de faire une corrélation entre ma mémoire vive et ce qu'ils sont en train de découvrir. Si on étudie, par exemple, le langage des dauphins, ben, si on rentre là-dedans, si je fais une bonne gestion de mon énergie, je vais pouvoir l'intéresser à ce qui sort de ma mémoire vive, même si elle ne sait pas que ça fait partie d'une mémoire vive. Elle va dire probablement, ça vient d'où, ça? Quelle place que vous avez lu ça? Quelle place que vous avez étudié ça? Ben, je peux dire, j'ai un chum au Japon, il étudie ça. T'sais, moi, je passe à côté. Fait qu'au moins, je vais la laisser dans l'espérance que ma mémoire vive fait partie d'une mémoire morte qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais si j'ai dit, bon, ben, ce que vous étudiez, c'est bien intéressant, je vais vous mettre en contact avec une mémoire vive qui fait partie de mon contact avec bababa, à ce moment-là, elle va prendre son café et elle va s'en aller. C'est comme la deuxième idée. Ça fait partie de la gestion du matériel. Puis en général, c'est ce que je fais et que je suis obligé de faire. Fait que je me crée des chums dans le monde. Je me dis, bon, ben, il y a un avocat à tel pays, ou il y a un juge dans tel pays, ou il y a un scientiste dans tel pays qui dit ça. Fait que comme ça, c'est pas moi qui dis ça. Fait que j'utilise la mémoire morte d'une autre personne, puis là, je la rends aussi vive que possible. Puis là, j'y donne ça à elle. Fait qu'après ça, ben, elle va me rappeler au téléphone, elle va me dire, c'est intéressant, ce que... J'ai dit, tu pourrais-tu rencontrer cet homme-là? Mais je dis, mais il est bien occupé, tu sais. Fait que c'est ça le problème de la mémoire vive. Ouais, moi, je suis en train de comprendre une chose, c'est que la personnalité est supportée par une collectivité. Pardon? Je suis en train de voir qu'une personnalité qui traite avec la mémoire morte est supportée par une collectivité. Oui. Et que ce qui est difficile dans le développement de la conscience, c'est que quand on développe une identité, c'est nous autres qui sommes obligés de se supporter intégralement. C'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que quand on a de l'identité, on est seul? Quand on a de l'identité, on est seul. Par contre, on rencontre et on connaît des gens qui sont en voie d'évolution dans leur identité, fait qu'éventuellement, on n'est plus seul. Bon, des personnes qui ont l'identité... Bon, on est seul dans le sens que... Seul, ça dépend... Bon, parce que moi, je pourrais dire, bon, ben, je suis seul, là, tu sais, je suis seul dans mon affaire, là, bon. Mais je suis pas seul. J'ai ma femme, j'ai vous, j'ai d'autres personnes que je connais dans la province de Québec ou un peu partout à l'extérieur. Puis j'ai des gens avec qui je peux parler. Fait que je suis pas seul. Mm-hmm. Par contre, je suis seul. Mm-hmm. Fait que je suis pas seul... parce que je peux avoir des relations mentales, intelligentes, créatives, soutenues avec du monde. Mais par contre, je suis seul au niveau de mon expérience à moi-même. Mm-hmm. Fait que chaque individu est seul dans son expérience à lui-même, mais il n'est pas seul. Fait que c'est comme s'il y a deux sortes de solitude. Il y a une solitude qui est au niveau de ton niveau d'évolution, puis il y a une solitude qui est simplement temporaire, qui peut être bridgée, si vous voulez, mm-hmm. pontée, avec une autre solitude qui automatiquement neutralise la solitude, parce que là, tu rencontres quelqu'un qui est sur ta longueur d'onde, avec lequel tu peux avoir de l'échange. Fait que dépendant du niveau d'évolution de l'individu, autrement dit, dépendant de la grandeur de la mémoire morte, la seule raison pourquoi est-ce que je suis seul, c'est parce que ma mémoire vive est tellement grande que si je vais n'importe où dans le monde, que je rencontre n'importe qui dans le monde, je peux activer ma mémoire vive contre sa mémoire morte avec tellement de facilité que là, je suis encore tout seul. Mm-hmm. Comprends-tu? Non. C'est ça le problème là, de la mémoire vive. Là. Mais on devient habile avec ça. Puis avec le thème, on rencontre des gens qui passent de la mémoire morte à la mémoire vive, donc qui commencent à développer une conscience vibratoire. Puis à ce moment-là, ben, on a du plaisir. Mais on demeure toujours tout seul. Fait que c'est quoi la solitude d'un homme qui a une grande mémoire vive? Probablement, c'est une solitude qui... C'est une solitude qui est naturelle. Puis dans le fond, je suis pas tout seul parce que j'ai mon chum en haut. Je peux toujours placoter avec lui mm-hmm. de quoi que ce soit si je veux. Fait que dans le fond, de la solitude, il n'y en a pas. Il mm-hmm. y en a une par rapport aux hommes, mais ça, c'est purement illusoire. Aléatoire. Puis, puis le contact que tu as avec ta source, mais ça neutralise la solitude. Fait que si je veux m'attendre chez nous une soirée, puis tu dis pour le fun... puis faire une excursion dans la mémoire vive, puis étudier l'évolution des lapins. Pourquoi des lapins? C'est quoi les lapins? Ça sert à quoi sur la Terre, les lapins? À ce moment-là, pourquoi est-ce que les lémuriens sont disparus de la Terre là, des milliers d'années? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu rester sur la Terre? Ils sont obligés de repartir. C'est des études intéressantes. Fait que là, je vais le faire avec lui. Puis à un certain moment donné, il va dire, bon, ben c'est assez. Là. Parce qu'à un certain moment donné, je vais me fatiguer, oui. Fait qu'il faut que tu changes de plan pour réellement vivre de ta mémoire. Vive comme tu vis ta mémoire. Ce qui, je vous redonne la parole, là. Mm-hmm. Autrement dit, ce que je veux dire, quand l'homme sera conscient, il pourra vivre de sa mémoire vive sur le plan éthérique. Mm-hmm. Et l'homme inconscient ou l'homme évolutif planétaire, il vit de sa mémoire morte sur le plan matériel. La mémoire morte, elle sert à la vie sur le plan matériel. La mémoire vive sert à la vie sur le plan éthérique. C'est ça la conclusion de tout ce baratin. Ce qui est curieux, Bernard, c'est que les gens qui vivent de la mémoire morte ont une soif de mémoire vive. Parce qu'ils ont l'impression de ne pas être créatifs dans la vie. Ils ont l'impression simplement de répéter. Ça, c'est bien intéressant. La raison pour laquelle les hommes veulent vivre d'une mémoire vive, autrement dit, les hommes, dans le fond, ce qu'ils veulent vivre un rapport étroit avec leur esprit. De la mémoire vive, c'est simplement le fait que tu es capable d'être en communication télépathique avec Bell Téléphone, eux autres. Mm-hmm. C'est ça ta mémoire vive. Téléphone sans fil. Seulement que, bon, c'est ce qu'on appelle la conscience, ainsi de suite. Mais pour pouvoir vivre ça, cette proximité-là, qui éventuellement devient une fusion ou deviendra une fusion avec l'homme, bon, ben, ça nécessite des grands changements, une grande transmutation de ces corps subtils, que j'appelle une initiation solaire. Il y a des hommes sur la Terre qui sont prêts à ça, il y a des hommes qui sont moins prêts, il y a des hommes qui sont pas prêts, il y a des hommes qui avancent vers ça graduellement, ainsi de suite. Puis ces hommes-là, éventuellement, goûteront un petit peu plus de leur mémoire vive, donc ils sentiront qu'ils ont une certaine conscience créatrice, qu'ils rentrent dans la conscience créatrice. Par contre, il faut jamais oublier qu'on vit sur le plan matériel. Et que sur le plan matériel, ça peut être très dangereux pour un homme qui commence à prendre conscience de sa mémoire vive et de vouloir l'appliquer sur le plan matériel. La mémoire morte est suffisamment vaste, grande, sur le plan matériel, pour pouvoir donner à l'homme les outils dont il a besoin pour suffire à ses besoins matériels. Si vous rentrez dans la mémoire vive, par sensibilité ou par contact direct, vous allez créer sur le plan matériel des barrages d'énergie très puissants. Et pour vous donner un exemple, les gens qui veulent trop utiliser leur mémoire vive ou ce que vous appelleriez leur conscience dans le monde des affaires, dans le monde matériel, s'aperçoivent qu'il y a énormément d'obstacles. C'est très, très, très, très, très, très dur.

OK. À un certain moment donné, cette personne-là a fallu qu'elle prenne un certain contrôle de sa vie pour rester nos amis, amis avec nous autres. Sans ça, ben, on va toujours, si elle prend pas contrôle, on va toujours voir son manque de prise de contrôle, puis on va toujours être là pour l'aider, être là pour la conseiller, être là pour aussi. Fait qu'un jour, il faut que tu te prennes en main. Sans ça, ben, on dit, bon, ben, viens plus chez nous, là, parce que t'es pas capable de te prendre en main. Sans ça, on devient constamment des je sais pas, ce que vous appelez des médecins de l'âme. Moi, je suis pas intéressé à être un médecin de l'âme pour faire de la thérapie au monde. Je suis intéressé d'aller au restaurant, je suis intéressé de jouer au golf, je joue pas ça, là, mais disons que je suis intéressé de faire. Comment tu veux dire? Je suis intéressé à vivre et m'amuser. Je suis pas intéressé, moi, à toujours donner du brandy à quelqu'un parce qu'il est pas capable de se prendre en main. Fait que quand tu as une conscience vibratoire, les gens qui sont autour de toi, qui vont devenir, si tu veux, ton cercle, ta société, ta famille, tes amis, faut qu'ils se prennent en main. Sans ça, éventuellement, mais tu vas être obligé de les laisser prendre une distance pour qu'ils puissent en arriver à se prendre en main. Puis peut-être qu'en coupant avec eux autres, ils vont se prendre en main. Sans ça, tu n'as plus de plaisir. Tu n'as plus de plaisir avec tes amis. OK. Prendre le contrôle, ça transparaît concrètement dans quoi? Prendre le contrôle, ça veut dire qu'au niveau où t'es, au niveau où t'es limité, dans la mesure où tu peux le faire, faut que tu changes ta vie. Prendre le contrôle, ça veut dire changer ta vie, faut que tu changes ta vie. Il y a des choses dans ta vie que tu peux pas changer, il y a des choses que tu peux changer. Il y a des choses que tu peux pas changer avant telle année, il y a des événements qui vont se faire, mais il y a des choses dans ta vie que tu peux changer. Non, faut que tu le changes. Sans ça, ben, tu restes toujours dans la personnalité, dans les failles de la personnalité, dans l'astral de la personnalité. Fait que si tu es en contact avec des gens qui ont une certaine conscience, mais éventuellement, ils pourront plus te supporter parce que supporter du monde, c'est toujours travailler. Alors qu'à un certain moment, tu prends un gars comme moi qui est supposé avoir une conscience vive. C'est quoi mon plus grand plaisir? C'est de rencontrer quelqu'un puis de dire, bon, ben, puis moi, me faire parler, j'aime ça, me rencontrer quelqu'un et me dire, bon, ben, moi, je suis un ingénieur, ou moi, je suis un architecte, ou moi, je suis un psychologue, ou moi, je sais pas, puis je fais telle affaire, ou moi, je suis dans les affaires. Me montrer quelque chose, j'aime ça que le monde me montre quelque chose. Ça veut pas dire que je suis pas capable de parler sur ce qu'il va me montrer, mais au moins, je me fais nourrir. Je me fais créer une ambiance par ces gens-là. Sans ça, c'est toujours moi, puis moi, je suis tanné d'être. Là, je fais des conférences, c'est correct. Là. Mais en privé, je veux vivre normal. En privé, je veux pas. Le Bernard Montréal, moi, je veux plus qu'il existe, Bernard Montréal. Je le tue en privé, Bernard Montréal. Ouais, c'est ça. C'est ticul, là. Ticul tout le monde. T'sais. Fait que. C'est ça. Mais si le gars, il se prend pas en main. Mais à ce moment-là, tu veux pas avoir de relation avec lui. Comme là, j'étudie le stock market pour étudier les fondamentales, là, pas pour faire de l'argent, pour étudier les fondamentales, la mécanique de ça, que j'enseigne à ma vie. Puis j'ai un de mes chums, Jacques, qui est là-dedans, là, puis c'est, moi, le voir bien vite, mais on va en parler. Fait qu'il va me parler du stock market. Je vais demander, c'est quoi ça? Parce que je veux pas vivre de ma mémoire vive. Je veux vivre de ma mémoire morte, ou de la sienne. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je vais avoir du fun, prendre un petit café, puis on va parler du stock market. Fait que l'individu qui prend contrôle. Mais si Jacques, là c'est un exemple. Si Jacques il est pas raisonnable, puis il est trop gung-ho, puis il est trop content là, de prendre un petit café avec moi et parler du travail, il va m'énerver. Là. T'sais, à ce moment-là, ben, je le ferai plus. Mais si il est normal, là, comme il en rencontre du monde normal quand il va à Nassau, là, il en rencontre des hommes d'affaires normaux là, qui parlent de business normal. S'il me parle de business normal là-dedans, ben à ce moment-là, là, je vais avoir du fun, puis là, il va m'apporter quelque chose. Fait que c'est comme ça que ça marche. J'étais allé chez eux à Nassau, là, il y a une couple d'années, là, j'ai eu du fun. Il n'y a plus de Bernard Montréal là-dedans. Là. Il m'a amené au casino, il m'a amené dans les hôtels, il m'a amené dans les restaurants. On a eu du fun, j'ai eu du plaisir. Il m'a montré son chien qui est où de même. Là. Fait que j'ai eu du fun. Il m'a pas achalé avec ses problèmes ou des questions au niveau de ma mémoire vive. Sans ça, j'ai plus de vie, moi, j'ai plus de plaisir social. Tu sais, de rester jeune avec mon chat, ma fille, ma femme. Tu veux dire? Ouais, c'est un fait. Ma fille avait un chien. Regarde ça au niveau de ma mémoire vive, un chien, c'est une responsabilité. Ben oui. Tu sais, t'allais voir un petit chien, elle. Elle aimerait savoir un petit chien, elle n'a pas de chat, mais un petit chien, fun. Elle peut coucher avec. Ah. Mais elle regarde ça, elle a une conscience. Chien. Tu peux pas rentrer un petit chien, puis après ça, ben, tu s'en occupes plus. Va au restaurant, un petit chien. Va pisser un petit chien. Sors dehors pour tes petits chiens. Toi, avec toi, petit chien. Es-tu prêt à avoir un petit chien tout le temps avec elle? Oh, elle dit, mais attends, on va regarder ça. C'est pas comme un chat. Un chat, tu le laisses là, il s'en va. Moi, je reviens à mon chat après 2-3 mois. Je dis, bon, minou, puis il s'en va en cuisine manger, tu sais. Tandis qu'un chien, c'est une autre affaire. Fait que j'ai dit, regarde ça, c'est un chien. Un chien, c'est une entité bien vivante. Tu veux un chien? Moi, je veux bien t'acheter un beau petit chien. Mais tu, demande-moi pas après ça de m'en occuper ou de ta mère t'en occuper, occupe-toi-en. Fait que t'es pas prête. Oh. Ça coupe d'un chien. Fait que c'est fatigant une mémoire vive. Parce que si j'étais à la mémoire morte, mais je voudrais un chien. Tout le monde veut un chien. T'sais. Fait que vivre une vie normale quand t'as une mémoire vive, c'est bien dur. Fait que tu fais attention à maudit. Même acheter un chien, ça devient un gros job. Ah ouais. Vous achetez un chien, vous avez 3-4 chiens. Moi, acheter un chien, c'est comme faire un contrat avec un avocat sur une business de 50 000 piastres. Les conséquences d'avoir un chien. Vous autres, vous voyez pas ça, quoi, d'avoir un chien. Moi, il y a des conséquences. Je n'ai acheté un chien l'an passé, là. Parce que faut que je sache comment est-ce que j'étais capable de dire avec un chien. J'ai acheté un petit Milou. Je disais à ma femme, je veux un Milou. Pas n'importe quel chien, je veux un Milou. Tu te rappelles Tintin quand on était petit? Bah. Fait que j'ai resté fixé à ma maman est morte avec Tintin. Fait que je m'en vais au magasin, puis je me trouve un petit Milou. Il était long de même, Tokyo. Quand la femme elle me donne un petit chien, il est gros de même, il était tout énervé, il était cute. Les yeux étaient propres. Mais quand je l'ai amené chez nous, elle ne me l'a pas dit, la femme. Monsieur, après une semaine, les yeux commencent à fleurir, il faut que tu nettoies ça, parce que ça vient tout jaune ici. Puis il est énervé, puis ça va faire pipi à terre. Moi, j'ai des beaux tapis chez nous, tu sais, dire. Fait que là, j'ai juré à ma femme que je t'achèterais pas avec ça, m'a dit avec le chien. Fait que là, je commence à m'occuper du chien. Je m'occupais du chien comme je m'occupe près de toi, tu sais, dire. Check le pipi, check ça, check ça. Là, je t'apprends à venir totalement malade. Le chien Milou, il m'a mis à terre au bout d'une semaine. Il te mettra pas à terre, toi. Moi, il m'a mis à terre au bout d'une semaine, le chien. Fait que là, ça a été fini pour le chien. Tu sais, il court après moi. J'allais au magasin, j'étais obligé de donner de la glace à terre. Dehors, je t'apprends à écrire, vous donnez de la glace. Je n'arrêterai pas. Tu sais, le comique aux États-Unis, fait que le chien Milou m'a rendu fou. Fait que j'ai redonné le chien à un de vous autres que je connais, là, qui en a bien pris soin. Là, il est rendu en Afrique, apparemment, le chien. Il voyage tout ce que moi. Fait qu'au moins, ça servait à ça. Puis la femme qui l'a acheté, là, apparemment, elle voulait un Milou. Ben, elle dit, justement, on a un Milou. Elle a passé mon Milou. Mais moi, c'est fini, les Milou, j'en veux pas. Fait que là, je m'ai guéri de ça, là. Là, ma fille, elle m'arrive avec un chien. Là, j'ai dit, ça, ton affaire. Là, j'ai fermé ma mémoire vive. Puis, occupe-toi de la tienne. Fait que ça devient compliqué, vive. On évolue pourquoi? Non, c'est pas une bonne question, on évolue pourquoi. Non, mais tu sais, c'est que le processus de conscientisation nous amène à... Pourquoi est-ce qu'on devient conscient? On devient conscient parce qu'éventuellement, il faut qu'on devienne intelligent. Mm-hmm. Puis éventuellement, en devenant intelligent, la vie est plus agréable. On rentre d'une mémoire vive, puis les conséquences au niveau de notre potentiel de vie humaine, matériel, éthérique, est très vaste, ainsi de suite, tu sais. Autrement dit, l'homme, finalement, devient le magicien de sa propre dynamique, de sa propre conscience. Puis là, t'es plus unidimensionnel, t'es en relation avec des plans, télépathiquement, visuellement, ainsi de suite. Donc, la vie, elle commence, là. Mm-hmm. OK. À partir de l'évolution. Mais c'est le prix à payer, tu sais. Fait qu'une personne qui a de l'identité n'a pas les mêmes champs de satisfaction que les gens qui vivent au niveau de la personnalité. C'est un autre. Quand t'es conscient, d'abord, quand t'es conscient, la Terre, c'est une planète expérimentale. Donc, tout est en expérience. Il n'y a rien de comme du monde. Tout est à l'envers. T'sais, si l'humanité devenait consciente demain matin, les structures de la civilisation s'effondreraient demain. Quand tu as une mémoire vive, puis tu regardes la politique mondiale, tu regardes la politique du Québec, tu regardes la politique, tu regardes des politiciens, tu regardes n'importe quoi. T'sais, tout est à l'envers, parce qu'il n'y a pas de conscience. Fait qu'éventuellement, mais c'est très dur sur ta conscience, sur ton esprit. Fait qu'à ce moment-là, l'homme conscient, ben, il se crée comme un oasis. L'homme conscient se créera un oasis, selon sa sensibilité. Il se crée un environnement qui est propre à ses besoins. Un environnement qui est propre à sa sensibilité. Fait que ça, on est obligé de faire ça, on n'a pas le choix. Les gens riches, ils se font des oasis pour eux autres. Bon, ben, l'homme conscient, qui est un homme riche à un autre niveau, il se fera un oasis pour lui-même. À ce moment-là, ben là, tu peux avoir le plaisir de vivre jusqu'à temps que tu passes à un autre plan de conscience. Mais quand tu réalises comment est-ce que c'est une grosse job rien que pour avoir un chien, tu t'imagines le reste? Bernard, pour terminer, une personne qui a de l'identité ou qui veut avoir de l'identité, est-ce que c'est long le processus d'épuration de son mental? Est-ce que ça prend du temps à avoir l'identité ou c'est quelque chose que quand on change un axe dans notre vie, on tombe instantanément dans notre identité? L'identité, c'est le résultat de l'expérience. L'identité, c'est le résultat de la conscience, de la souffrance